connaître nous. Non, nous pas connaître nous. Angoissé mon petit Facebook pour un petit démondage. Non, nous pas connaître nous. Non, nous pas connaître nous. Cherchez sans vie quelque part, nous jamais connaître nous. Le lait, chevret, nous avant-gaille. Tout côté OP, signé J.Y. M'adresse la marée à dans tout style. FLO, la rien qui m'a débaille. Nous pas marrer cochon, nous pas marrer bœuf ensemble. Accepter invitation de l'aime, moi-même qu'à prendre du temps. Mais qu'à qui rive tonton, après des jours, paix patience. Voyez message privé, qu'à mander yon l'eau explication. D'abord bouillon, non, à tes bouillon, m'en a déjà bon. C'est pour ça, on pas ajouter tout de suite, bien évidemment. Ou juste une niche sans pas ignorer plus radicalement. Ou t'es vlerré, t'es connecté, si mouvement musicalement. Non, nous pas connaître nous. Non, nous pas connaître nous. Angoissé mon petit Facebook pour un petit démondage. Non, nous pas connaître nous. Non, nous pas connaître nous. Cherchez un micro, qu'écoute, moi, nous, j'arrive à connaître nous. Fais le lait, chevret, nous, avant-gaille. Tout côté OP, signé J.Y. M'adresse la marée, à dans tout style. FLO, la rien qui m'a débat. Des secondes sur le web, Jacques Capone, boule à moi. En TV, surfer, relax, cool, cool à moi. Si c'est pour moi, moi, a pas la peine, check moi. Pas taguer moi, pas inviter moi, un pantou fait yé yé. Bité à tout le monde, à Patrick pas moi, ça c'est bité à. Zami nous, pas zami, sinon, t'es qui songe, figuia. Jige moun, jige moun, mal parler, ça c'est plaisir. Si pas rien à raconter, pas check moi, et puis pégé là. Non, nous pas connaître nous. Non, nous pas connaître nous. Angoissé moun, si Facebook pour un petit démondage. Non, nous pas connaître nous. Non, nous pas connaître nous. Cherchez un micro, qu'écoute moi, nous, j'arrive à connaître. Non, nous pas connaître nous. Non, nous pas connaître nous. Angoissé moun, si Facebook pour un petit démondage. Non, nous pas connaître nous. Non, nous pas connaître nous. Cherchez un micro, qu'écoute moi, nous, j'arrive à connaître. Sous c'est un réel, ka big up, ka vin fan de. Pani bruit, man, lyrics la page, ni pan de. Sans autre pani, nous timissez sans vous pani wak. Angoissé moun pour ajouter, mais ça c'est un black. Ça ou pas te save, flow carré te black. Faire été en classe, timissez ou c'est fast. Fast, book, kataguer les pages. Avancer la carte, c'est pas pète et face. Non, nous pas connaître nous. Non, nous pas connaître nous. Angoissé moun si Facebook pour un petit démondage. Non, nous pas connaître nous. Non, nous pas connaître nous. Yeah. Yeah. Dis-moi, sais-tu ce que c'est qu'être artiste antillais, créolophone? Imagine un aveugle sourd fan des chanteurs aphones. Être rappeur créole, ça n'a aucun sens. Mais est-ce que les hookers sont mieux lotis que les trappeurs en France? Connasse, je suis venu te check et t'as fait ta belle. Tu m'as pris pour un schlag, peut-être que le mec qui ken a monté son label. Tu vis à Paris, mais tout ce que tu fais reste local. T'auras beau check des gens en place, on s'est levité, ok, pensé. Car je reste positif, mais les frères perdent la foi. Tu te prends pour qui? Demande à un blanc qui est Patrick Saint-Éloi. Tu me prends de haut, ton poulet a beaucoup de vues. Ici, tu te prends des râteaux, en métropole, on n'existe plus. Tu me diras non, mais forcément, je vais pas en boîte. Si t'en as pas marre qu'on dise que Châtelet, c'est la capitale du squat. Ouais, frère, c'est la vérité. Nous pas prendre parole, ça nous nie, c'est ça nous mériter, peut-être. Mais j'ai du mal à l'accepter. Le créole, c'est folklorique, les Français ont du mal à capter. Alors certains me parlent de Kassav, Zouk Machine et Francky Vincent. La compagnie créole, comme référence, n'en a pas 500. Et leurs remarques incessantes me poussent dans mes retranchements. J'ai pas le droit d'être cérébral, juste un mal qui kiffe les déhanchements. Kerry dans l'apparence, français dans l'attitude, ils sont ouverts en apparence et chauvins par habitude, parano en permanence. La méfiance prend de l'altitude. Et quoi que l'on dise, quoi que l'on pense, en France le créolophone titube. Et moi j'ai cru faire pouvoir tomber la barrière de la langue. Tu me demandes de traduire, mais dis-moi l'anglais, tu le comprends? Je rappe pour qui, je rappe pourquoi? Je rappe pour qui, je rappe pourquoi? Je représente qui, je représente quoi? Trop à l'ancienne pour les miens, si un non-sens pour les autres. Les médias nous laissent en chien, mais c'est un peu de notre faute. Je suis victime de ce que je suis, à chaque fois que je m'exprime. Les rappeurs sont des stars internationales, adulées que par leur team. Mais sous un mouin, comprends le mouin. Sans un mouin, mais sans un mouin. Faut un mouin, c'est l'angle mouin. Mais y'a du mouin, y'a vais pas comprendre le mouin. Moi vais elle, ouel, ouel, ouel, ouel. Well, well, well, well, well. pas de hobby. Mais l'égoïsme a son lobby. Quand quelqu'un taffe, pas Bobby. Travailler ensemble est notre phobie. Forum macrelage au débit. Nous qu'on maquille on paquet de phobie. Tu boycottes Congo Beat. Mais l'industrie n'est pas plus grande que hobby. J'écris mon créole pour la mif, les refrains, les ressorts et les oumis. Tu m'as pris pour un maudit parce que je fais l'apologie de la créolophobie. Je ne connais que mon histoire, je ne pourrai jamais rejeter l'Afrique noire. Mais je ne connais que mon patois, Papa Wolof, ni Lingala. Je ne jouerai jamais le jeu des médias, tant pis si je n'ai pas de succès immédiat. Je ne cherchais pas le conflit, mais mission accomplie grâce à Wikipédia. Notre histoire sans le vomi, tous victimes des colonies. Again and again and again, ça se ressent dans l'industrie. Bonjour à tous, vous êtes dans l'émission Conlambi, le premier dimanche de chaque mois, spécial musique jeudi. Et pour la musique jeudi, musique d'aujourd'hui, du mois de mars, musique créole contemporaine, on a démarré avec une exclusivité, remix d'un titre de Flo, la rappeuse Flo, Nous pas connaître nous, remix composé par Exos avec lui-même et Alkibi. On a enchaîné avec un inédit, le MC s'appelle Malkema et le titre La malédiction du rap créole. Et on poursuit encore avec les nouveautés du mois de mars, exclusivité de Vie en Vie. Allez voir le clip sur YouTube et l'artiste s'appelle Déter. C'est bien Dieu là qui font nos petits étincelles avec des flammes. Il veut passer neige là qu'à fond. Ou qu'à babier, y'en pas répondre. Ne baisser rien, rien, y'en pas qu'à attendre. L'offre qu'à monter, y'en qu'à descendre. Nous qu'à gommer, nous qu'à défendre nous bien. Un malade en mélangue. Passant, j'apprends trop coup à l'aimer. Y'a guéri, chérie. Si nous gommons sans que répondre, l'amour brille, il est cessant. Ou cabamillant, pas répondre, ne verser à rien, à rien, y'a pas qu'à temps, on dit un bail. Pas titi ni moyen, moyen, non, même si j'ai un moins c'est taille. Ça va qu'à faire aïe, aïe, non. Moi, tu ou pas. Tu ni moyen, moyen, non. Même si j'ai un moins si taille. Ça va qu'à faire aïe, aïe, non. Donc, en partie, c'est voyant flex. Bon, moi, c'est premier réflexe. T'es pique, yuka, balayant l'ouève, yuka, fait réflexion parce que. Quotidiennement, babi, trappé, qui j'en veux pas y aller, que l'amour pas dégradé. Donc lundi en compte, pour l'amour ou parti, mais y'ou veux pas venir gentil. Donc les samedis, ça ou parti, parler pour passer, l'amour l'a cassé, assez, assez, moi j'a lassé. L'offre nous, on essaie, nous j'essaie, et t'essaie, et si ça continue, si pente là, ça c'est qui on t'essaie pour nous. Bon Dieu, veille un dessin, ta malsain, c'est comme ça. Et encore, ou veille des scènes, nous nous tous seuls, nous enlacés. Et nous enlacés, et nous cabonneaux. Mieux que nous séparer avant qu'elle nous casse vaisselle. Parler pour passer, l'amour l'a cassé. Assez, assez. Moi dis ou pas. Pas titi ni moyen, moyen, non. Même si j'ai un moins c'est taille. Ça pas qu'à faire aïe. De vie en vie, des terres. On va quitter la Guadeloupe. On va aller voir ce qui se passe du côté de la Martinique. Exclusivité du nouvel album du MC Mali. Le titre Mama Élevé avec en featuring Strike Adi et Alik aka Black Alik Shoes. On écoute ça tout de suite. Mali, Black Alik Shoes. Martinique et qu'on dit que le bat, nous que grand, nous c'est un pep qui ni l'honnête, liberté nous, nous les prend. En tant que jeune irresponsable, nous obligés, écouter grand, écouter les grands parents, nous yo bas nous force, écouter prend. Je dis pays en crise, ça quitte bien solide, tout n'est vent, même ballon, l'honnête, et puis plein l'argent, tout n'est blanc. Consommation en profusion, c'est les garants de mon démon, ça quitte bon, qu'à vie mauvais, crac la garant de mon démon. Ni des fonds, qu'à dis moins, qui ça nous fait pour payer nous, mais ça chaud quand nous arrivons, l'époque frère nous, qu'à trahir nous. Corruption à dans l'élection, longtemps ça change. Envahit nous, nous qu'avons terrain agricole, bah on peuple qui tiraille nous. On concerné, de tant de nègres a dit que y'a pas concerné. Parce que même en pays nous, suprématie que l'on a conservé. Y'a qu'à boucher sien nous et puis crédit l'auto. Pendant tout risque à quoi nous qu'à vivre de bon en épi coco. Maman levé, maman levé, maman levé. Mama il levé, la veille dans vous nous avancer ensemble. Levé, yo levé, levé, yo levé. Va griter personne boucher, c'est y'en nous encore. Levé, yo levé, tant pour levé. Mais si nous pas ensemble, nous pouvons arriver à sauter. Levé, pour nous, levé. La main dans la main, nous toute la jeune confie. Levé, levé, mama il levé. Fais pas rester assis, c'est pas dit rien. Non, non, fais pas rester là, accepter n'importe qui tient. Mais si l'unité n'est pas là, non, non, nous pouvons y aller loin. Faut des peuples quand quand il y en a sous en même chemin. Ça serait bien organisé pour nous, ça pas quand nous coup de main. Parce que nous pas quand nous coup de choc, c'est un coup de l'offre qui nous besoin. Ah, ah, ah, oh, oh, oh, maman est levé, levé, yo. Maman est levé, maman est levé, maman est levé. Mama levé, mama levé, mama levé. Levé, t'as voulu nous avancer ensemble. Mon qui regarde Nina, en long ou en diagonale. Dis-moi nous j'rive pas canal, c'est zone où j'vais pas canal. Et on y craque, café chien. Stop avant qu'on steak parce qu'il y a du crack, café bien. Crack, café, ouais, diable, là, qu'on manque activement et matnique. Ni y'a qui manque pratiquement qu'on paye latino, ni bon narco trafiquant. Capoulet tous les jours, y'a qui en merde pratiquement. Qui j'en ai quittant, vous autres comptez réagir. Tu es mauvais magia, stoppé hémorragia. Passe matnique, capette sans essence en silence. Pendant élu et trafiquant, qu'a gagné puissance en finance. Économie a carrété en main tout vieux bêtier. Et nous cafouk en France pour soi-disant trouver métier. Mon paraît con, ni bon non compétitif, ni facté, facti et tout ça répétitif. Maman est levé, maman est levé, maman est levé. Mandelmon, la Mandelmon, Pocomo. Mandelmon, Mandelmon là, Mandelmon, Mandelmon là, Mandelmon, Mandelmon là, gardez Delmon, Delmon pas mort. Timilo, mimilo. Timilo, mimilo. L'ange pour la moi qu'a senti chaud. C'est Jimmy Cliff, yo mettez les billets 40 francs. 40 francs c'est pas 40 centimes, pas nous un gars, pas nous Jimmy Cliff. C'est chiant pas qu'on est en spectacle, yo connaît des poches yo plein l'argent. Mais yo ouais c'est moulin pas comme ça, yo dit 10 000 euros c'est ou qui pas bon. Yo dit qu'on a un autre lit qui pas bon. C'est moi y a l'école, il mettait 10 frères moins et puis moins. 10 frères moins y a prendre passer moins. Papa moi ba moi y a ticano. Ticano moi parti à la nage. À la nage moi rivé carénage. Carénage moi trouvé en médaille. Médaille la bote ba y a colite. A colite bote ba bicheya. Bicheya bote ba la béa. La béa bote ba monseigneur. Dis monseigneur, béni ba moi. Oui, oui, oui, oui. Ticano, ticano, ticano, ticano, ticano, ticano, venez quand on est parti à la nage. Vous pouvez l'entendre, ça s'appelle Belay Big Band, du groupe de référence de musique antillaise, Musique au Pays, qui a sorti ce mois-ci deux singles, l'autre est en featuring avec Manu Dibango, et celui-là en featuring avec Boris, Reine Adélaïde, Tambouillet Martiniquais, Jeune Tambouillet Martiniquais, Big Up Boris. Excellent titre, Belay Big Band. Si vous voyez une programmation Musique au Pays, allez-y. On va changer de style carrément. On va écouter un jeune artiste en hip-hop créole de Guadeloupe. Le titre MVP et l'artiste s'appelle Nerka. Yeah, yeah, yeah. Missé Nerka, a.k.a. Missé 41, a.k.a. Missé Hip-Hop for Life, man. Y'a qui nous guide pour l'esprit, mon nom arrêté free. Fuck is it punchlines. Yo. Aussi incroyable que Ricky Ross qui fait fitness. Écoutez qui j'en rappelle, moi ni élégance, elle veut finesse. Aussi magique que Houdini, ni Flow à Houdini. Qu'on rit à Naï en bikini, y'a pas mi qui avait mini millimètre par millimètre. T'as qu'à grimper à si échelle à hip hop là. Pas fait feeling pour film, pas plonger, y'a fait feignon plat. Cadence, prestance, moi y'en avance pendant qu'à sniffer bon air. J'en qu'à faire des gars pour avalanche. Rappelle moi ni définition, qu'on dictionnaire. Calice ou à dans réflexion, le pic sur la lèvre. En plus de waxer, c'est fini, si on faut rester honnête. Passant par M, il finit, y'a si on dirait que ça te paie. Encore fait musique pour pessier, pour cacasser, ouais, fait suyer. Si on peut pas suivre, si on s'en met, ça c'est peut-être des cises, y'a fait. Travail flow, on est 6 jusqu'à 6 et jusqu'à temps, toute parole là, organiser mon ababa, saisi, t'as pas saisi. Encore revendique, hip hop en moins. Trop MC, qu'à jouer, y'a fait mic là, attends, époque en moins. Ou que dis moi, que moi toujours qu'à faire rap. Y'a qui a 6 mois qu'à parler, y'a qui les moins, rien à foutre, ça on peut pas dire rien. Et pourquoi? Sans m'y enseignons MVP. Passant pour Baby Jesus, maintenant c'est OTP. Qu'on a signé internet, en capable, y'a un haut débit. Et des fois, même mes techniciens, y'a moi, yes baby. Oh, gal, papa, des mois depuis AG Shandan. Bon, mon spice, ça va qu'à fuck, et moi, ouais, des Shandan. En panier, aïe, sans plutôt disque qu'on a LS1. pendant ou la carapé, yé qui a si fait ce qu'a mon la katouné, tout le monde qui a fait business, aïe, c'est normal, si son wow a senti pit en qui zappé, c'est normal, DMC pit qui a vu une commercial, franchement, c'est anormal, en qui a fini rapé, et voilà, on a dit, franchement, il est pas mal. Wow, yeah, Missé Counter, aka Missé Nyanka, aka Missé Evil for Life, man. Y'a qui nous dit pour l'esprit, mon nom a été vrai, fuck easy punchline, c'est yeah, hein. Le EP s'appelle Cinco Piezas Exclusivité, un nouvel EP, 5 titres du MC Nerka Carter. Ici c'était MVP, on vous en reparlera et certainement il sera avec nous le mois prochain. Mais ce mois-ci nous recevons dans les locaux le groupe Mélanine et on va écouter tout de suite un premier extrait de son EP. Le morceau s'appelle Le Jazz, le EP s'appelle Paroles Pigmentées. Le jazz, le jazz. Hey yo, je jazz sur cette musique à la gamme pentatonique et j'ouvre une parenthèse dans l'histoire du peuple noir. Les questions fusent sous l'origine de mon art. Congo, Mali, Égypte pharaonique, où la musique, plus qu'un divertissement, un rituel, scelle l'unité entre l'homme et le naturel. Le son, les percussions répandent au battement du cœur et dans une intense douleur accouche d'un acte majeur de l'ère moderne, le jazz, plein de classes et de phases dont l'unité est résumée par l'expressivité et l'improvisation maîtrisée du début à nos jours, du ragtime au bebop, du free jazz au jazz rock. Le swing s'exprime et le hip-hop est le signe d'une continuité de Buenos Aires à Congo Square. Le jazz coule dans mes veines, mais c'est juste héréditaire. Ouais, ouais. Et puis voilà, c'est comme ça que ça se passe. Mélanine et la clique qui mettait pure pro. Je vous fais même le refrain en impro, mais c'est comme ça que ça se passe, alors écoute, gros. Je laisse un peu de place pour rentrer avec classe. Check it, tu sais comment ça se passe. Yeah, yeah. Maître de cérémonie colossale comme Sony, je parle de Rollins et de son organe saxophonique. Vibe en quantités astronomiques. Placement de rime et déplacement d'accent tonique sont des tours de passe-passe que je m'autorise. Ce jazzman improvise un passage poète, je me promène et domine sans partage. Soliste prodige, bastard, ce n'est pas grave. Le style est original, irremplaçable. Unique et remarquable, rap artiste, afro-galactique, sci-fi, kaïkiste que mon crâne abrite. Un arsenal musical de quoi livrer bataille dans la matrice. Versatilité, ce qui peut signifier un tas de styles disponibles et distillés. Je glisse ma philosophie dans la mélodie de mes mots. Lyrique suprême comme Coltrane, prénommé John. Yeah, yeah. Nous sommes dans les locaux avec Pure Pro et Kemet du groupe Mélanine. Messieurs, bonjour. Salut EDS. Salut EDS. Alors, le groupe Mélanine sort son EP Paroles Pigmentées et d'après la description, c'est marqué moyen de se reconnecter avec son histoire, son identité culturelle. Mélanine, pigment. Donc, dès le début, de prime abord, on s'attend à un concentré de rap conscient, tendance afrocentriste. Et pourtant, dès l'entrée du EP, on a l'impression que plus que l'Afrique, ou au même titre, c'est surtout le jazz qui est mis à l'honneur. Mmh. Alors, je voulais savoir, est-ce que c'est juste, déjà ? Est-ce que c'est juste ? D'une certaine manière, oui, puisque concrètement, on est déjà dans un état d'esprit qui correspond à notre nom, et le nom du EP correspond à notre nom, qui correspond à notre état d'esprit. Ceci étant, musicalement, on est très influencé par les deux derniers âges d'or du hip-hop, c'est-à-dire dans les années 90, c'est-à-dire 92-98, et à partir de 98, âge d'or des indés, et l'esprit d'avant-garde qui fait écho à un type d'esprit d'avant-garde qui régnait dans le jazz à une certaine époque. Dans le texte, on peut entendre par exemple l'art de diguer son dé à travers le passé, et donc quelque chose qui donne l'impression que vous parlez plus que de musique. Donc, est-ce que vous pouvez me parler un peu de ce parallèle que vous faites entre le crate digging, donc on va dire le fait de fouiller dans les disques, de rechercher un peu les perles, et la recherche historique à laquelle vous faites également référence lors du projet. Alors effectivement, tout à l'heure, Purepro parlait de nos influences un petit peu musicales, mais il faut savoir aussi que il y a pas mal d'auteurs, notamment africains ou afro-américains, qui ont un petit peu influencé notre réflexion. Et en fait, dans le passage que tu cites, moi, je fais le parallèle effectivement entre le fait de se renseigner sur ce qu'on fait, ceux qui nous ont précédés, que ce soit au niveau musical ou au niveau de la réflexion, tout ce qui concerne la réflexion autour du peuple noir, et puis notre action à nous en tant que qu'artiste, en tant que beatmaker et en tant qu'MC. Donc pour nous, en fait, on se place dans la continuité d'une certaine réflexion qui a été menée bien avant nous, en fait. On se reconnaît à travers des auteurs, par exemple, comme Cheikh Anta Diop ou d'autres auteurs qui ont porté une réflexion sur le peuple noir, l'histoire du peuple noir. Et, voilà. Plus qu'un divertissement, un rituel, c'est aussi un lyrics qu'on peut entendre dans le projet. Je voulais savoir, pour un morceau comme le jazz qu'on vient d'entendre, quel est le rituel de création du groupe Mélanine, c'est-à-dire comment on en arrive à ce morceau-là? Bon, alors, ce morceau-là en particulier n'est pas nécessairement comme un autre morceau. C'est-à-dire que c'est né d'une démarche très enthousiaste. C'est-à-dire, au lieu de faire un morceau thématique, pédagogique, on a vraiment voulu faire une variation sur le thème. Et c'est né d'une approche aussi où on cherchait à s'affranchir un peu de certains canons du rap, c'est-à-dire caractère obligatoire du refrain, caractère digeste pour le grand public des lyrics. On avait vraiment envie de faire quelque chose de hardcore, dans le sens sans concession, où on se laissait aller. Et le refrain, c'était juste pas prévu. Et puis quand c'est... Bon, tu sais ce que c'est, j'imagine. Quand bon, tu commences et puis tu te rends compte, ah, il se passe quelque chose. Et au lieu de couper ce qui se passe, tu continues et tu développes. Alors, tu parlais de digestion. Je trouvais qu'en très peu de morceaux, vous favorisez davantage une multitude de références à l'approche plus scolaire qui a longtemps dominé dans le rap français, qui est d'avoir un thème dessus, un sujet très précis qu'on développe de façon très scolaire, c'est-à-dire intro, développement, conclusion, etc. Et une autre phrase qui m'a interpellé, c'est « Le texte est crypté, la clé se trouve dans l'interprétation que tu te feras du son. » Est-ce que c'est cette approche que vous avez ? Oui, alors effectivement, on a l'approche qui consiste à dire les choses directement, clairement. Et à côté de ça, on a une approche qui consiste effectivement à distiller quelques références comme ça qui... on l'espère, amène l'auditeur en fait à se poser des questions, à lui-même éventuellement faire des recherches, à se demander mais qu'est-ce qu'ils ont voulu dire par là, etc. Donc voilà. Vous ne le prenez pas par la main. Ouais, c'est pas le but. C'est pas vraiment le but. Voilà. Et surtout, mis à part une éventuelle volonté de brusquer l'auditeur qui n'est pas vraiment la nôtre, on a une volonté aussi de faire quelque chose de vraiment poétique. C'est-à-dire l'image... Enfin, l'art au service d'une idée, mais c'est de l'art quand même. Cet art, on va encore écouter un petit extrait, histoire de se mettre bien dans le bain. On va écouter tout de suite « Effervescence », sous-titré « Orpailleur ». Hey yo, ma main, puis-je kicker ? Hommage à la tribu, tu connais la rime citée. Source illimitée, c'est là que je puise l'idée. Tout est dans ma tête, y'a rien que tu puisses shipper. Tout est dans la quête du truc sophistiqué chez le disquaire. Je piste les antiquités. Pour me cultiver, musiquer, connaissant ça, ingurgiter. Le but n'étant pas de piller, mais de se réapproprier. Quand on écoute, découpe et fait tourner ses boucles de jazz, file tes passes, chiller chez les frères qui ont aussi archivé les perles et y ont mis le prix si nécessaire. Dangereux est le matériau, pas celui qui pollue la terre, celui naturellement tenté, marqué, décryptage, critique, critère d'une assemblée, active pour nourrir des sens insatiables, autant que libre et indomptable, naturellement tenté et marqué, décryptage, critique, critère d'une assemblée, active pour nourrir des sens insatiables, autant que libre et indomptable. S'il s'agit d'entreprendre le montage d'une pièce immanquable, je creuse dans tout ce qui est palpable, le legs d'une old school reine, toujours new school souveraine dans mon dos de basse-cour. Il est fréquent que ma réflexion, fruit des franches, s'épanche sur une harmonie dense, s'exprimant dans mon logis, je la cuisine et m'en nourris. Ces étagères corbeilles de fruits vitaminés aux provenances diverses se laissent explorer avec souplesse, laisse de l'acte pour le rendre efficace. Canalise et tracte mes pensées, trace ma lancée, place à ma volonté. Vacante seulement lorsque je dors, et encore mes rêves, restent d'or. Naturellement tenté, marqué, décryptage, critique, critère d'une assemblée, active pour nourrir les sens insatiables, autant que libre et indomptable. Naturellement tenté, marqué, décryptage, critique, critère d'une assemblée, active pour nourrir les sens insatiables, autant que libre et indomptable. J'capte l'essence du sens du crédit digging, mélange de vibe et de science divine, l'essence en effervescence et l'intellect se délecte sans a priori sur la langue, le dialecte utilisé, subtilisé en pochette. Parle de black jazz, pas de strass ou de paillettes. Africaine est la présence panafricaine, est l'art de diguer, sonder à travers le passé, les techniques et méthodes sûres qui assurent un futur classique. Je cite de tête toute cette littérature. Digueur le jour, digueur la nuit, c'est d'art de chercher, récupérer, occupe le mental de flopper d'or pailleur. MCs, danseurs, graffeurs, DJ, beatmaker, les cœurs battent en rythme, pas besoin de pacemaker. Non, pas besoin de pacemaker. Paix à mes partenaires, frères de son et digueur. Naturellement, tenté et marqué, décryptage, critique, critère d'une assemblée. Le groupe s'appelle Mélanine, ici en featuring avec One Fly. Mm-hmm. Le EP, Paroles Pigmentées, est disponible sur leur page Bandcamp. Allez chercher ça, allez écouter. C'est une nouveauté. Et tout à l'heure, on parlait des multitudes de références que vous utilisez dans vos textes. Moi, je sais que c'est un des points qui m'a tout de suite fait penser à ce qui a peut-être été une influence pour vous. Puisqu'on parlait aussi également, tout à l'heure, tu parlais plus en pro de certains âges d'or. Mm-hmm. Ça m'a beaucoup fait penser à deux maxi vinyles qui sont sortis de Ify et Leslie. On va dire une certaine énergie freestyle, d'écriture libre, un mélange aussi d'ego trip et de conscience noire. Et notamment cette phrase d'Ify qui disait « Je vais représenter ma race de négro plus que ma station de métro ». Et je sais pas, instinctivement, quand j'ai écouté le EP, ça m'a fait penser à ça. Donc je voulais savoir, est-ce que ça a été une influence? Et la question, musicalement, mais même en termes de rap, parce que notamment pour toi, Pure Pro, j'ai vraiment senti cette couleur-là dans ton rap. Donc, je voulais savoir si c'était juste ou un hasard. Ou quoi. C'est les deux, puisque, bon, concrètement, surtout pour Leslie, on est, toute proportion gardée, hein, c'est de la b-boyerie, du 97.1 et du 97.2. On a une façon d'appréhender le hip-hop en Guadeloupe et Martinique qui est assez particulière. Et qui mécaniquement peut sur certains points se retrouver assez proche de la façon dont certaines de nos idoles l'appréhendaient, toute proportion gardée bien sûr. Et il est clair que des maxis comme Satisfaction, Garantie ou Réhabilitation nous ont très certainement influencés, même si on n'était pas là à décortiquer leurs trucs. Ben, c'est clair qu'on a vu où ils voulaient en venir, on a vu d'où ils partaient. Et si on nous compare à Ify et Leslie, c'est pas quelque chose qu'on va détester, en fait. Je vais prendre une phrase que j'ai entendue et qui m'a interpellé tout de suite. C'était « Relief à non, les Noirs sont aliénés. À la moindre simulation d'égard, les Noirs sont apaisés. » Je voulais savoir à qui s'adresse le projet. Est-ce que c'est aux puristes, aux frères de son et digger? À qui ça s'adresse, tout ça? Ça s'adresse à tous ceux qui peuvent ou qui vont le ressentir. C'est-à-dire que bon, la démarche hip-hop est une démarche hospitalière. Et c'est pas parce que c'est une démarche hospitalière qu'il s'agit de donner aux gens ce dont on pense qu'ils, ce qu'on pense qu'ils attendent. C'est-à-dire, on leur propose quelque chose, on leur dit, viens, c'est cool chez nous, viens écouter, tu peux t'installer, etc. Mais c'est clair qu'au départ, je pense que c'est des puristes qui vont s'intéresser à nous ou des gens qui sont friands de certaines approches, intellectuellement parlant. Je ne sais pas si Kemet a quelque chose à rajouter. En fait, je voulais rebondir aussi sur ce que tu disais tout à l'heure, ADS, par rapport à, au fait que la musique soit plus un divertissement, un rituel. Moi, je suis beaucoup en fait, attaché au fait que pour nos aïeux, pour nos parents qui sont venus d'Afrique, en fait, la musique avait une fonction sociale. La musique accompagne l'individu tout au long de sa vie, à la naissance, mariage, même cérémonie funéraire, en fait. Et nous, on est assez sensible à la fonction, entre guillemets, à la fonction sociale que la musique peut avoir. C'est-à-dire que la musique peut faire, peut divertir, mais aussi elle peut faire réfléchir, elle peut amener à se poser des questions. Et effectivement, on n'est pas forcément, avec cette EP, dans une approche où on cherche à plaire à un type de public plus qu'à un autre, mais on est simplement, nos textes, en fait, reflètent plus notre volonté de faire à l'auditeur se poser des questions. Voilà. De façon générale. Ok, je crois qu'il y avait une phrase que je ne retrouve pas là, mais qui disait un peu, peu importe... ah voilà, peu importe que le texte offense et froisse. Donc, je voulais savoir par rapport à... Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, le groupe s'appelle Mélanine, l'EP s'appelle Parole Pigmentée. On est dans un pays et dans une époque où mettre en avant ces questions-là et très simplement qualifier de communautariste, voire pire, je voulais savoir quelle est votre, votre position, parce que j'imagine que quand on s'appelle Mélanine, on a déjà une réponse pour, te, pour ce genre de sujet. Oui, on a une réponse, peut-être pas une réponse stéréotypée, mais je rebondis sur, sur la notion de communautarisme qui est apparue dans le débat à la, entre guillemets, faveur de l'élection de Jacques Chirac, je crois, la dernière élection de Jacques Chirac en tant que président, et qui a été un peu diabolisée quand... Quand on s'est aperçu que, bon, bon, clairement, c'est les Noirs et les Maghrébins pouvaient être communautaristes et ou pouvaient avoir des velléités communautaristes. Il faut bien comprendre que la République française reconnaît d'une certaine manière le communautariste, le communautarisme. La classe politique française reconnaît l'existence du communautarisme, puisque, bon, quand il s'agit... de, comment dire, de faire appel à des réservoirs de voix, ils savent où aller chercher. Et la société française reconnaît le communautarisme. Cela étant, il y a des communautarismes qui sont perçus d'une façon plus favorable que d'autres. Mais la société française, la République française et la classe politique française connaissent et reconnaissent le communautarisme. Après... d'un point de vue purement technique, politique, juridique, il n'est dit nulle part que le communautarisme porte atteinte à quelque valeur républicaine que ce soit. Il n'est dit nulle part que c'est un facteur de désagrégation de la société française. Et je ne vois pas pourquoi des gens qui ont une culture, une histoire en commun et un vécu en commun... et on ne parle pas seulement des aspects négatifs du vécu, il n'est dit nulle part que ces gens-là ne peuvent pas avoir une, leur avis sur l'intérêt général et un avis qui serait spécifique à leur angle de vue. Donc, je pense que le communautarisme, je ne vois pas où est le problème, quoi. Colère sourde et cris stérile sont mis en sourdine. Je pense que ces sujets-là, aujourd'hui, sont l'occasion de beaucoup de brouhaha dans la société française, dans les débats et surtout les intervenants médiatisés sur le sujet. Et je trouve que votre EP a cette qualité, au-delà de la concision du format, mais aussi des morceaux et des propos. Donc je voulais savoir, est-ce que c'est une volonté d'arriver de façon, on va dire, un peu... je ne vais pas dire apaisée, puisque comme dans les lyrics que je citais tout à l'heure, le terme était assez négatif. Mais est-ce que c'est une volonté de votre part d'arriver de façon posée sur ces sujets-là? Oui, alors effectivement, dans Colère sourde, crise stérile, par rapport à mon couplet, j'ai voulu un peu mettre l'accent sur le fait que lorsqu'on on est face à une situation, quelle qu'elle soit, parfois ça peut être salutaire de prendre du recul par rapport à cette situation-là et ne pas forcément toujours réagir de façon spontanée ou épidermique, parce que parfois ça peut faire du tort. En fait, toute réaction spontanée peut faire du tort à la personne qui a cette réaction-là. Donc, c'était plus moi, ma façon de voir les choses, c'est-à-dire face à une situation donnée, si on peut prendre du recul face à cette situation-là, ne pas hésiter à le faire, quoi. Dans le même morceau, Colère sourde, on a toujours extrait du EP Paroles pigmentées, déjà disponible. Il y a Marmaille qui braille, où sont les véritables guerriers? Je voulais savoir un peu ce que vous pensez du rap français d'aujourd'hui. Aïe. Rapproche-toi du micro. Oui. On est tellement, tu nous as mis tellement à l'aise que j'en oublie qu'il faut qu'on respecte les contraintes techniques. Le rap français d'aujourd'hui, il a... Enfin bon, dans le rap français qui accède au grand public, je crois qu'il a un gros problème. C'est qu'il s'est laissé dicter sa conduite par des personnes qui ne l'aiment pas, et le tout sans s'en être rendu compte. Du coup, il y a beaucoup de sœurs et frères qui sont dans une démarche qu'ils pensent être la leur, alors qu'au final, c'est quelque chose vers quoi on les a orientés. Et je veux dire, à partir du moment où ils s'arrêteront, ils feront « Tiens, ben, c'est pas vraiment ce que j'ai envie de faire, laisse-moi reprendre les rênes de mon art », on assistera à quelque chose d'autre. Ces derniers temps, on a eu la chance d'être en contact avec des rappeurs qui faisaient quelque chose qu'on ne soupçonnait pas en France. Et notamment, on en profite pour balancer un petit message sympathique à Mokonzi de la tribu du chef Guida, qui nous a fait écouter des choses dont on ne soupçonnait pas l'existence en France. Et ouais, des groupes qui ont fait tel truc en 2005, 2006, 2007. Et on se disait, waouh, le rap français a un meilleur niveau qu'on s'imagine, en fait. C'est juste que ces groupes-là ne sortent pas, ils n'ont pas accès aux radios. Et il y a une culture, des cultures quartier qui sont très fortes en France et dont je ne peux pas parler, ne les ayant pas vécues. Et le but, ce n'est pas de critiquer un rap qui serait terre-terre par rapport à un autre rap. Le but, c'est carrément de dire, bon, le rap est terre-terre, ok, mais faites ce que vous avez envie de faire. C'est, ne faites pas, n'adoptez pas un type d'attitude qu'au fond, ce sont des gens qui ne vous aiment pas, qui les attendent. C'est tout, après. L'émission s'appelle Musique Jeudi, Musique d'aujourd'hui. Kemet Purpro, est-ce que vous pouvez nous dire un peu, qu'est-ce que vous écoutez aujourd'hui? On a parlé d'âge d'or, c'est bien gentil. Qu'est-ce que vous écoutez aujourd'hui? Moi, me concernant, Kemet, c'est assez vaste. En termes de hip-hop, j'aime beaucoup ce que fait quelqu'un comme Madlib. Ras G aussi, j'aime bien. Sinon, il y a pas mal d'autres beatmakers comme Knowledge. Et plein d'autres, en fait, j'oublie les noms, mais j'écoute un peu de tout, hein. J'écoute un peu de tout, beaucoup de jazz aussi, beaucoup de funk, c'est assez varié. Hier encore, je réécoutais l'album de Dominique Coco, La Cosa Boca, qui m'avait donné une claque, en fait, quand elle était sortie. Voilà, c'est varié, quoi. J'écoute la musique traditionnelle aussi, de la Guadeloupe, hein, bien sûr, Groka. Je pense à Robert Loison, Vélo, tous ces grands maîtres percussionnistes, en fait. Donc voilà, j'écoute un peu de tout. Hein. Je pose la question, parce que la particularité des membres de Mélanine, c'est aussi que les deux MC que vous entendez, Kemet et Purpro, sont également beatmakers. Ce qui m'a frappé, n'ayant jamais entendu de morceau Mélanine avant ce EP, mais j'avais par contre entendu des productions de Purpro pour d'autres artistes, et également un album instrumental donc de toi, Kemet. Ce qui m'a frappé, c'est que j'avais l'impression que la production de Mélanine était sonnait très différemment de ce qui avait pu sortir avant. Et que ce soit avec certains samples africains qu'on pouvait entendre sur ton EP Kemet, mm-hmm. ou que ce soit enfin, le côté très soul de tout ce que tu as pu faire en pur pro pour des artistes guadeloupéens comme Mimi Nelzi, Tismé, Williams Café. Ouais, ouais, ouais. Donc voilà, on va aborder ce côté-là de la chose, ce qui nous permettra d'introduire notre autre invité qui est là dans le studio depuis le début, qui n'a pas encore eu l'occasion de parler. Elle s'appelle Swanee. Rebonjour Swanee. Bonjour EDS. Et donc voilà, à la longue liste déjà des artistes avec qui tu collabores en pur pro, c'est rajouté tout dernièrement Swanee pour son single Interaction qui sort le 10 avril sur les plateformes de téléchargement et le 15 avril vous aurez le clip sur YouTube. Donc renseignez-vous, allez, rajoutez-vous à la page Swanee, SW2ANY sur Facebook. Et avant de lui laisser la parole, on va écouter le titre Interaction. Interaction, l'artiste Swanee. On ne va pas jusqu'au bout, puisqu'il faut que vous soyez curieux. Le 10 avril, sortie du single, et le 15, le clip. Interaction, d'abord, entre les mots et les sens, on pourrait même dire la sensualité au cœur de ce texte. Sur ce titre, je note une écriture très singulière, presque mystique. Est-ce que tu souhaites décrypter ou bien préserver le mystère jusqu'au clip? C'est vrai qu'il y a quand même... Je préfère laisser découvrir les gens... c'est-à-dire que laisser les gens un peu interpréter comme ils le souhaitent, parce que c'est vrai que ce qui est magique dans une musique quand tu écris un son, c'est que toi tu as déjà ton point de vue sur le son, mais les gens vont l'interpréter chacun leur manière selon leur vécu, leurs expériences. Et avec la découverte du clip, ça peut donner des indications supplémentaires, mais c'est vrai qu'il y a un certain mystère. Il y a de la sensualité, c'est un son sensuel. Et aussi, beaucoup de, je trouve, on a vraiment l'impression que tu as pris beaucoup de plaisir à jouer avec les mots sur ce morceau. Ça, on passe à l'interaction entre les mots et la voix, le chant et le rap. Une de tes particularités, c'est que ben, tu chantes et tu rappes. Je voulais savoir comment tu en es arrivé à développer ce style. C'est vrai que le rap n'est pas venu tout de suite. C'était plus à l'écoute, en fait. Donc on écoute, on fantasme un peu sur ceux qui rappent. Beaucoup d'admiration pour les MC qui ont un flow, qui Et du coup, on écoute, et puis après, on teste. Et c'est vrai que j'ai encore du mal à assumer le rôle d'MC, en fait. Je ne me considère pas vraiment comme une MC. J'aurais du mal à aller dans un freestyle pour aller freestyler ou autre. Mais j'ai ce plaisir de l'écriture pour essayer de trouver un flow, de trouver les bons mots, de trouver les rimes, que ça sonne en fait sur un morceau qui me donne une bonne vibe. Et comme le hip-hop, c'est aussi une musique que j'écoute, du coup, c'est venu petit à petit, quoi. C'est pas venu tout de suite, mais j'assume pas encore ce statut de MC, en fait. Bon, ça va venir, donc. on a dit qu'il y a un clip qui arrive le 15 avril sur YouTube. Il y a déjà plusieurs petites vidéos, des petits teasers qui racontent un peu la construction de ce morceau. Mmh. On a la chance d'avoir le compositeur, justement, avec nous, Pure Pro. Mmh. Je voulais savoir comment était venue l'idée d'en faire plus qu'un simple morceau, mais véritablement un single avec un clip, etc. Il est venu de Swanny, je pense que c'est elle qui pourra mieux te raconter cet événement. réellement. Non, franchement, comme j'ai dit, en fait, quand on s'est rencontrés avec Pure Pro, ça a été un vraiment, comme on dit, les chemins de vie font que des fois, tu rencontres des gens et quand tu écoutes la vie, si tu suis le bon chemin, tu rencontres les bonnes personnes. Et il se trouve que Pure Pro était une bonne personne. On s'est rencontrés au concert de Claire Soul Forces. C'est parce qu'il est là. Non. Non, Pure Pro, je l'ai déjà dit. Non, Pure Pro, il connaît déjà l'histoire. Non, mais du coup, c'était le concert de Claire Soul Forces. La connexion s'est faite. Moi, j'ai dit pourquoi pas, parce que je me dis, je suis pour la rencontre, je suis pour le partage et je ne ferai pas un projet qui ne me plaît pas. Mais il se trouve que quand Pure Pro m'a proposé son projet, j'ai adoré. J'ai adoré ses prods. Et en fait, on n'est pas parti sur l'idée de faire single, clip, etc. Ça s'est construit au fur et à mesure, en fait. Moi, j'ai dit, Pure Pro, écoute, franchement, le son, il me le donne. Il m'a inspiré, j'ai écrit des choses dessus. Tu sais quoi ? Faisons partager aux gens. Il y a un moment, du moment qu'on reste en fait, entre guillemets, fidèle à ce qu'on aime et que ça nous correspond et qu'on aime faire ça, pourquoi pas le faire partager à un maximum de gens ? Et effectivement, dans une démarche, on s'est dit, on va plus ou moins professionnaliser le truc et on va l'enregistrer en studio. Mmh. Le clip n'était même pas encore dans la tête. On a dit, on va enregistrer en studio. Et après, c'est les connexions, c'est les rencontres. Il se trouve que j'ai fait écouter le son à Yannis Saint-Rose, qui est le réalisateur du clip. Et il a aimé le son et c'est lui qui a dit, mais le son est vraiment bon. Donc, je l'ai cru. Et du coup, on s'est parti comme ça, en fait. Mais il n'y avait pas de calcul à la base. Il n'y avait pas de calcul. C'est vrai que quand on t'a déjà vu sur scène, qu'on connaît un petit peu ton répertoire, on a vraiment l'impression d'un morceau un peu à part qui a jailli, un peu le fruit d'une inspiration. Mmh. Et paradoxalement, si je ne me trompe pas, c'est quand même ton introduction officielle au public. Ouais. Je voulais savoir, est-ce que ça s'insère dans un projet de disque ? Alors en fait, ce que je veux bien faire comprendre aux gens, c'est que j'ai des influences multiples et qu'il faut bien que les gens sachent qu'ils ne s'attendent pas à un schéma et un format de ma part, parce que je suis une fan de musique, je ne suis pas seulement fan de hip-hop, je suis fan de soul, je suis fan de musique créole, je suis fan de jazz créole. Et du coup, en fait, là, c'est vrai qu'en ce moment, ma vibe est hip-hop et je crée en fonction de mon inspiration. Il se trouve que la connexion s'est faite avec Pure Pro et que je suis vraiment les chemins de vie et je me dis que pourquoi pas, il n'y avait pas de calcul. Donc si les gens me découvrent par le hip-hop, c'est très bien. Mais il faut qu'ils s'attendent aussi à découvrir d'autres influences qui seront... musique créole, qui sera jazz créole également. Et ça fait partie de moi, en fait, même dans ma manière de poser dans mes sons. Je chante, je parle, je rappe, je le dis dans le teaser, je sais même pas comment définir, en fait, cette couleur-là, parce que tout est mélangé, tout est dedans. Swanny, le single Interaction à venir le 10 avril, donc bien cette semaine, le clip également. Donc surveillez ça, allez écouter, soyez curieux. Et on va conclure avec le groupe Mélanine, on rappelle Paroles Pigmentées, le EP déjà disponible. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'il faut quand même noter que c'est un EP très court. Mm. très condensé, mais je trouve que l'intérêt de ce format court EP qui a tendance un peu à inonder les ondes en ce moment, c'est d'être capable de proposer en peu de morceaux un concentré de ce qui est son identité en tant qu'artiste, en tant que groupe. Et on a déjà un peu parlé de ce côté voilà, très maîtrisé, on croit qu'on parle même d'arithmétique dans le EP. Je voulais savoir, eh bien, est-ce que c'est un avant-goût de quelque chose à suivre d'un album? Ou est-ce qu'on n'en est pas là, peut-être? Non, on n'en est pas forcément là. C'est vrai que notre objectif, c'était déjà de nous faire connaître en tant que groupe. Puisque, comme tu l'as rappelé tout à l'heure, chacun, Pure Pro et puis moi, on avait eu de notre côté des projets en solo. Et en fait, pour la suite, on verra, ce sera certainement au gré de ce qu'on aura envie de faire. À savoir que, par contre, ce qui est vrai, c'est qu'on est en création perpétuelle, que ce soit au niveau de l'écriture, au niveau de la composition des instrus. Donc, si à un moment donné, on est prêt pour sortir quelque chose d'autre, quelque chose en format plus long, pourquoi pas? Mais ce sera un peu au feeling, hein, ce sera un peu au feeling, je pense. Oui, tout à fait. Et encore une citation, tiens. Les frères qui ont archivé les perles et y ont mis le prix, c'est nécessaire. Je voulais savoir quel décalage vous ressentez entre cette culture du crate digging et donc de la valorisation de la musique, on va dire, avec la culture de la gratuité et du zapping, en fait, où aujourd'hui, on passe très rapidement d'un son à un autre et on donne très peu de valeur à la production musicale. Le problème, c'est que dans un passé assez récent, ceux qui vendaient la musique ont réellement assumé une démarche qui consiste à vendre la musique comme on vendrait n'importe quel produit. Du coup, l'artiste est devenu quelqu'un qu'on doit pouvoir maîtriser. Et maîtriser l'artiste, c'est diminuer sa durée de vie. C'est-à-dire un artiste qui arrive à avoir une carrière ou qui arrive à avoir un peu plus de longévité est plus difficile à maîtriser en tant que opérateur, enfin, en tant que salarié et en tant que produit pour ce qui est de son art. Du coup, on a fait beaucoup de musique Kleenex et je ne sais pas si le but c'était de tuer ce secteur pour en favoriser un autre ou si c'était juste une mauvaise gestion de la chose. Toujours est-il qu'à force de faire de la musique Kleenex, je pense que le public s'est au fur et à mesure habitué à une musique avec une valeur moindre. Et du coup, quand tu parles de musique avec une valeur moindre, la gratuité n'est pas loin. L'émission touche à sa fin. On remercie Pure Pro, Kemet et Swanny. On rappelle Swanny avec son single Interaction. Cette semaine, ça arrive, surveillez ça. Et le EP déjà disponible du groupe Mélanine, Parole Pigmentée. Avant de terminer l'émission, je ne sais pas si on aura le temps de passer un tout petit extrait de la piste 3, je crois, Colère Sourde. Je rappelle que l'émission Conlambi, le premier dimanche de chaque mois, est consacrée aux musiques jeudi et que vous pouvez retrouver le podcast en allant sur le site archive.org, archive au pluriel, et vous tapez musique jeudi, M-I-Z-I-K et J-O-D-I. On termine avec Colère Sourde, Mélanine. Check it. Yo, yo. Colère sourde, crise stérile. Check. Colère sourde, crise stérile. Révolutionnaires puissent-ils sévir? Oppresseurs puissent-ils périr? Frères et sœurs puissent-ils guérir? M6 qui fustige puissent-ils faire autre chose qu'écrire? Bloc en mille, débris nègres, aigris, hystériques. Doléances face à la prétendue tolérance. Trop peu de connaissances historiques. Le mépris est logique, systémique et cela à nos dépens. Un regard vers l'océan cherche à percer l'horizon, la barrière et la mer. Traverse et loin de la terre-mère. L'esprit est incarcéré. Rares ceux qui font le choix de s'élever. Rares relifans dont les noirs sont aliénés. À la moindre simulation d'égard, les noirs sont apaisés. Marmaille qui braille, où sont les véritables guerriers? Calme, efficace et sérieux.